17. L'apparition des turboréacteurs à TAR. De manière quasi simultanée, à la fin des années 30, l'allemand Hans von Hahn et l'anglais Frank Whittle mirent au point un moteur à combustion, le turboréacteur. Il fallut toutefois attendre la fin de Seconde Guerre mondiale pour que le constructeur Junker, puis BMW, reprenne le développement du moteur de von Hahn en Allemagne, et Rolls-Royce celui de Whittle. Les Allemands furent les premiers à produire des turboréacteurs. En 1945, l'État français réussit à convaincre l'ingénieur allemand Hermann Estrich, qui avait mis au point le turboréacteur BMW, de venir travailler au développement de cette technologie en France. Le docteur Estrich et son équipe, composée d'une centaine de personnes, furent installées dans le sud de l'Allemagne, à Lindow-Rickenbach, une zone alors sous contrôle français. C'est ainsi que l'atelier technique aéronautique de Rickenbach vit le jour. Ses initiales, ATAR, furent données au projet de turboréacteur étudié. Appelé Groupe O, l'équipe du docteur Estrich fut transférée dans la Nièvre, au sein de la société voisin, alors filiale de Snecma. Le groupe O fut bientôt rejoint par de jeunes ingénieurs français. En 1950, il s'installa ici, à Villaroche. Il fut alors rattaché à Snecma, dont le docteur Estrich devint le directeur technique.